Ça dépend si on va peut-être jouer la chanson de notre petit. Les accords, soit il a balancé des accords, soit ça c'est les accords qu'il balance là. Et après on essaie de suivre les accords. Goldman, ça. faire un truc comme ça. Même si le temps passe.